Au nord de Marseille, voici la cité de la Castellane. En 10 ans, c'est devenu l'un des plus grands supermarchés de la drogue en France. Un quartier idéalement situé pour les dealers et leurs clients à l'entrée de la ville et en bordure de torrent. Cassé, ça va le shit classé. Cassé, le shit d'affaires fait compter. Cassé, la police rentre pas. C'est tout à casser. Faut une machine à compter. Cassé, les guetteurs sont capuchés. Cassé, la sphère va pas péter. Cassé, pas peur de la juge. C'est tout à casser. Le brave est bien payé. J'suis dans la pièce, fais-moi l'affaire, on a tous les contacts. On entend grade, on a fait fort depuis Castellane 4. Fais gaffe à ce que tu dis, on peut refroidir l'atmosphère. Si tu parles trop, on peut voir ton reflet dans la visière. La police tourne comme les guetteurs mobiles, on peut saisir. À quoi ça sert tenir un fou si tu vends que des 10. T'en es passé du gramme au kill, du kilo à la tonne. Agape à tous les petits, tu peux passer de on à off. Une fois sorti de tôle, tu veux le monopole, me fais pas l'homme. La rue c'est pas la tôle, ça laisse pas des matons, mais ça t'arrange. Tu dois des sous, tu finis dans la sauce. L'arrivée d'un deux roues, fais pas fort cogiter. Quand t'as pétasse, t'as demandé t'es où. Et quand t'entends le boom, il est trop tard. La rue croit pas qu'elle joue, que des mauvais payeurs. Normal qu'il y ait mort tous les deux jours. Ça brûle des corps au coude, ma c'est un film plus chaud qu'à Hollywood. Pas plus au téléphone, c'est trop risqué. Le check c'est sur écoute. Cassé, ça va le shit placé. Cassé, le shit d'affaires fait compter. Cassé, la police rentre pas. C'est tout à cassé. Faut une machine à compter. Cassé, les guetteurs sont capuchés. Cassé, la sphère va pas péter. Cassé, pas peur de la juge. C'est tout à cassé. Le brave est bien payé. On fait le sourire du joker quand les bâtards nous parlent. Fais gaffe à qui tu causes, tu seras jamais quand ça part. Ça va trop vite de nos jours, non plus rien ne m'étonne. Des coups de pute, des coups de stress et deux balles dans le rectangle. Mais si c'est pas Disney, les trucs fantômes en décalation. T'avances un kill à moins des mois, poteau, faut que tu ralasses. On voulait des palaces, des lance-roquettes, des tanks et des femmes. Pas de vol à l'étalage, chez moi les minots sont tous au guetta. J'attends des quadrilles, ça fait quand même les comptes au palier.